Lo peixu é moleigo, loto polo pra, la diga. Lo peixu é moleigo, loto polo pra. Cu é mala fia, é molo zeño, la diga. Cu é mala fia, é molo zeño. Passin vela rebelle, au bain des villas, la dira. Passin vela rebelle, au bain des villas. Trappe la monnaie, oh, à qui il faut danser, la dira. Trappe la monnaie, oh, à qui il faut danser. La monnaie est ben bravo, fouet boule embrassa, la dira. La monnaie est ben bravo, fouet boule embrassa. Cou est mal à l'aïda, ni l'engardia pas, la dira. Cou est mal à l'aïda, ni l'engardia pas.